Donc il est obligatoire, un devoir pour tous les peuples, toutes les nations, de suivre leur messager. Donc chaque nation, yajibu alayha an tattabi'a rasulaha, c'est une obligation, un devoir pour elle de suivre son messager. Et qu'elle se rabaisse et qu'elle se soumette vers la guidée avec laquelle ils sont venus, les messagers, la guidée qu'ils ont ramenée. Et Allah leur a promis, s'ils font cela, s'ils suivent leurs messagers et se soumettent aux ordres, qu'ils suivent la guidée avec laquelle ils sont venus, les prophètes et les messagers, As-sa'ada fi dunya wal akhirah, Allah leur accordera-t-il le fond, le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa aktharul khalqi qad 'asaw rusulahum, et la plupart des créatures ont désobéi à leurs messagers. Donc ils sont en nombre supérieur. وَخَالَفُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ, et ils ont été à l'encontre des règles et des lois avec lesquelles sont venus les messagers, les messagers. قَالَ تَعَالَى, le Très-Haut dit, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, et la plupart des gens, même si tu le voulais, ils ne sont pas des croyants. Les prophètes voulaient que leur peuple rentre dans la religion. Ils voulaient que leur peuple suive. Mais Allah, il dit, je dis à ton prophète Mohammed, même si tu le voulais, mais la plupart ne sont pas croyants. Wa qala ta'ala, le Créateur a dit, wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka 'an sabilillah, et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. C'est un très beau verset, ça. Obéis à tel, obéis à tel sect, obéis à tel, obéis à tel, ça, tout ça, c'est que ça t'amène vers quoi? Vers l'égarement et l'éloignement de la voie d'Allah. Donc le fait de dire, mais tout le monde le fait, la majorité ne sont pas musulmans. Donc, wa qala ta'ala, et le Très-Haut a dit, wa qalilum min ibadi yashkur, et très peu parmi mes serviteurs sont ceux qui remercient. وقال تعالى الخوادي ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. L'explication du verset, c'est que les gens ont suivi Iblis sauf très peu parmi les croyants. Donc le nombre dans la religion n'a aucune valeur. Toujours la qualité. Et comme le prophète enseigne dans un hadith, dans le Qiyamah, il y a des prophètes qui viennent, et parfois il y en a qui viennent avec ceux qui les ont suivis, qui ont cru en eux. Il y en a qui viennent avec une personne, il y en a qui viennent avec deux personnes, il y en a qui viennent avec trois personnes, il y en a qui viennent avec un petit groupe, et ainsi de suite. Il y en a qui viennent avec une personne. Bon, le nombre n'a jamais été. Donc le plus important, c'est la qualité. Et le degré de suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ne jamais se fier au monde. Non. Donc, wa awwaluhum Nuh alayhi salam, wa akhiruhum Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa khatimu al-nabiyyin, wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh, قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده. قال ابن باز حفظه الله, وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله. Chaque messager a invité à prêcher sa communauté vers l'unicité d'Allah. Le texte de Cheikh Mohammed Abdel Wahab, parce qu'on l'a traduit au début du cours. Puisque les versets sont répétés et les termes sont répétés, on n'a pas besoin de les retraduire. Donc, et chaque messager a invité sa communauté vers l'unicité d'Allah. Wa ta'atihi, et son obéissance. Wa tarki shirki bihi, et de délaisser